conduit dans tes veines quand tu t'y attends pas. Depuis la ville de Kiel, je suis nocif comme le malaria. Je fous le tigre d'Idawa, fume la tigre des ganja. Demande aux deux complices, ma puissance vient tout droit du fire. Je contiens ma rage dans un prisme, mais gare à toi si tu le prises. La fureur sort, on n'a plus aucune maîtrise. Initié depuis des années, coup de balai, je vais t'étaler mes rimes. J'ai des pierres, what's up, fais de l'escrime. Tranque le crime contre la sagesse, le tir dans le business. Faut plus tu serres les fesses, on passe dans la cinquième vitesse. Ils nous disent c'est ce qu'il fallait. Quelle vie de thème Satan, mais pas ceux qui vivent dans des palais. Je dévoile la vérité une fois par année. Comme ces politiciens, je m'agouille et je suis armé du savoir-faire que mes ancêtres m'ont donné. Le savoir est une arme, je compte bien me préparer. Je toutes les mains en l'air, car une autre vie c'est plus là-bas, c'est foutre la de mer. Je on vient de briser la nuque et pour faire kiffer, on ira même jusqu'à tisser l'anus. Je toutes les mains en l'air, car une autre vie c'est plus là-bas, c'est foutre la de mer. Quand tu dis à ton bras, ça fait qu'une croix. Je te laisse étudier l'attentat, appelle-moi supra. Vite la boîte, tout comme un demandeur si mes lyrics dans ce sein pour le commerce. Mets-moi dans ton verre que je te contamine. Suis ton jus de vitamine dans ta dose d'italine, connard. Nick, l'industrie du disque, je la nique, elle s'appelle mère. Je casse le ménisque, j'ai des tirs, des délires, des vides et des bronzes. Mais j'ai pas le pouvoir pour faire bouger les choses. Alors expert, donne-moi le sang et t'auras le stick. Que j'envoie mes fans dans le cache thoracique. Sparrow, donne-moi la base. Représente, on a risqué la passe. Je toutes les mains en l'air, car une autre vie c'est plus là-bas, c'est foutre la de mer. Je on vient de briser la nuque et pour faire kiffer, on ira même jusqu'à tisser l'anus. Je toutes les mains en l'air, car une autre vie c'est plus là-bas, c'est foutre la de mer. Je on vient de briser la nuque, voici venu l'heure de l'ordre, on va tout briser la lune. Je m'introduis dans tes tympans, au travers ton poste. Quand je parle, quand je rappe, tu causes avec mon glock. Vas-y, stop, ça, je veux pérer sur la base. On assassine la vibe, c'est tout simplement ce qui me rend dingue. Commettre des viols auditifs, t'atteins du syndrome stock comme problème au niveau cognitif. Ce qui est positif, c'est qu'il s'adapte à dire sa mère. C'est t'arrêter sa mère. Quand t'es un oiseau, faut t'arrêter sa mère. Ne t'en fais pas pour nous, la clique c'est merde. On est pourtant d'amour à balancer ce putain de style vénère. Donc passe nous stick et bière, on s'y vient ce qu'ils aient vert. Et chacun d'entre nous te montre ce qu'il sait faire. À base de dick, tac, nick, tiens, ou de mitraille, on beat F. Tu sais que l'équipe est des chic taille, ton beat F. Donc j'espère que tu sais gros. Il faut que tu diapes sur ce putain de beat. Le expert de Sparrow, le tir et le cas du 2503. Le gars qui ne défend pas, il débarque avec le flow qui fait des gros dégâts. Mais où sont mes gars? Tous à ta bouche, j'ai la tête, foutre la merde en soirée. Noir et la marée des fils de pute qui sont emparés du mic. Mon vide se barre et quand on défourra et comme des tarés. Vous me faites marrer, ma réponse est déjà prête avant ta question. Tu vois comment maintenant exactement. Je braque ma langue comme un gros calibre. J'anime mes rimes comme la cocaïne. Prends le vitrole quand je manie le chrome. Fasciné par l'art de rue depuis mon normal. Je balance des bombes, plante tous les cons qui se trompent sur mon compte. Mon style fantastique, élastique, fais pas ce que tu kiffes pas. Ce qui montre le monstre qui se cache en lui. On veut du cash, mon nu, les deux complices et la base. Même plus cash, dédié à tous les mecs qui se.